Alors, vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Le 1er décembre 2013 était la journée internationale du sida. Quelles sont, on va terminer d'ailleurs l'émission avec quelques revues, quelques actualités scientifiques présentées oui, par François. Et donc, je disais, le 1er décembre 2013 était la journée internationale du sida. François, quelles sont les dernières avancées scientifiques concernant cette maladie? On sait qu'il y a beaucoup de recherches qui se font sur cette maladie. Donc, quelles sont les dernières avancées? Alors, la recherche pour vaincre la maladie ne porte plus, en fait, autant sur la synthèse des nouveaux médicaments comme ce fut le cas pendant de nombreuses années, puisque les médicaments de dernière génération sont très efficaces pour lutter contre la réplication du virus. Cependant, la trithérapie ne guérit pas les porteurs de la maladie parce que le virus se réfugie dans certains réservoirs de l'organisme où il est inactif ou latent et à l'abri des médicaments. Alors, chez les porteurs, quand on cesse la médicamentation, la réplication virale recommence et la maladie ressurgit. Par contre, la stratégie pour combattre la maladie évolue. Certains chercheurs ont entrepris de faire la chasse aux réservoirs viraux. Leur objectif est d'y réveiller tous les virus dormants avec des substances comme le panobinosta ou l'ingénol, afin que ceux-ci soient soumis à l'action de médicaments pour détruire les réservoirs. Alors, la stratégie est bonne, mais est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ces réservoirs viraux, de la quantité de virus inactifs qu'on peut trouver dedans? Ben, des travaux effectués à l'Université Johns Hopkins à Baltimore visant à évaluer l'abondance des virus inactifs ont pris les chercheurs un peu par surprise. Ils démontrent qu'il y en a 60 fois plus que prévu, ce qui rend la tâche plus complexe et plus difficile. De plus, pour ajouter à la difficulté, d'autres expériences ont démontré que lorsque les chercheurs stimulent les réservoirs comme les lymphocytes pour y activer les virus inactifs, ce ne sont pas tous les virus latents qui s'activent. L'analyse de l'ADN des virus qui sont restés latents dans les lymphocytes a démontré que 88% d'entre eux avaient subi des mutations génétiques, ce qui les rendait inaptes ou incapables de sortir de leur état de latence, alors que 12% avaient un matériel génétique intact. Alors, les chercheurs ont réessayé de réveiller ceux-là en activant les lymphocytes deux fois de suite et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Effectivement, certains virus latents ne se réveillent que la deuxième fois. Alors, les résultats préliminaires laissent voir que les réservoirs viraux sont plus compliqués qu'on ne le croyait. Mais ces recherches permettent encore de mieux comprendre la maladie et de faire un pas de plus vers la guérison. Certainement. Alors là, on va changer complètement de sujet. On va parler de l'eau de Javel. Et alors, fait surprenant, en fait, l'eau de Javel pourrait ralentir le vieillissement de la peau. Ben oui, alors une étude américaine, c'est très étonnant. Ouais. Selon une étude américaine, elle a démontré que l'eau de Javel très diluée favoriserait la génération de la peau et en ralentirait le vieillissement. Bon, bientôt une nouvelle fontaine de jouvence pour moi, parce qu'on va se baigner dedans. Mais c'est tout de même surprenant parce que l'eau de Javel, c'est quand même un produit très corrosif qu'on utilise par exemple comme désinfectant dans les salles de bain. Oui, en fait, on l'utilise aussi dans les piscines. On l'utilise également dans le lavage du linge comme agent de blanchiment. Mais pour des fins thérapeutiques, il est utilisé à des concentrations très faibles, à des concentrations de 0,005%, alors que la concentration commerciale est de 4%. Donc, c'est 1000 fois plus dilué que l'eau de Javel commerciale. Mais quand même, comment les chercheurs ont été mis sur cette piste que peut-être l'eau de Javel permettrait de régénérer la peau? Alors, en 2009, des dermatologues américains avaient remarqué que l'ajout d'un peu d'eau de Javel dans l'eau du bain soulageait les démangeaisons des enfants qui souffraient d'eczéma. Ils croyaient que l'eau de Javel tuait les bactéries à la surface de la peau et empêchait la propagation des rougeurs du à l'eczéma. Alors, un chercheur de l'Université Stanford en Californie s'est intéressé aux effets de l'eau de Javel sur la réparation des plaies et en a démontré les vertus régénératrices. Mais pourtant, quand on se blesse la peau, est-ce que l'organisme n'a pas déjà un mécanisme naturel pour se réparer? Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'eau de Javel en plus? Ben, quand la peau subit une agression, le système immunitaire produit une réaction inflammatoire par le biais d'une protéine appelée NFKB. Alors, si la réponse inflammatoire est excessive, ce qui est souvent le cas, elle peut se retourner contre les cellules de l'organisme et causer une lésion. Mm-hmm. Alors, les chercheurs ont fait des expériences pour connaître l'effet de l'eau de Javel sur le gène qui code la protéine NF-kB. Ah oui. OK. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait puis qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat? Alors, c'est assez simple. Ils ont trempé un groupe de souris dans de l'eau pure, c'est ce qui constitue le groupe témoin, ouais. Et un autre dans une solution diluée d'eau de Javel pendant à peu près 30 minutes. Ensuite, ils ont injecté aux souris des deux groupes une substance qui active le gène qui code la protéine NF-kB. Donc, une substance qui doit faire produire la fameuse protéine. NFKB. Ouais, c'est ça. Effectivement. Et après un certain temps, ben, ils ont mesuré la concentration de la protéine. Mm-hmm. Alors, les souris trempées dans l'eau de Javel diluée avaient une concentration de protéine NFKB bien inférieure. Ah oui. Alors, la conclusion, c'est que l'eau de Javel limite clairement la réaction inflammatoire chez les souris. D'ailleurs, des résultats identiques ont été observés sur des cellules de peau humaines cultivées en laboratoire. Donc, est-ce que ça veut dire que l'eau de Javel aide à cicatriser les plaies? Ben, les chercheurs ont répété l'expérience précédente avec des souris atteintes de lésions cutanées engendrées par des radiations excessives. Ils ont démontré que celles qui avaient bénéficié du bain d'eau de Javel présentaient des blessures moins graves, une meilleure guérison et une repousse des poils plus rapide que les autres. Donc, ça se régénère plus rapidement. Donc, mais tout à l'heure, tu disais même que l'eau de Javel pouvait même ralentir le vieillissement de la peau. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, alors les chercheurs ont baigné des souris âgées dans de l'eau javelisée et ont observé que leur peau apparaissait plus jeune et qu'elle avait épaissi et que les cellules proliféraient plus vite. Par contre, le vieillissement a repris son cours après 3 semaines, mais de façon ralentie. Bon, ben on va voir si l'eau de Javel peut ralentir le vieillissement de la peau. Au moins, c'est pas un traitement qui devrait coûter cher, ça. Non, c'est un fait. Ben, merci beaucoup, François. Ça fait plaisir.